Les grenouilles envahissent la ville. L'inconfort crie plus fort que la foi. Pharaon promet dans la détresse, mais son cœur ment encore une fois. Puis les moustiques, puis les mouches, la terre devient combat. Et l'Égypte apprend à ses dépens que l'Éternel choisissait pas. Les promesses de repentance peuvent naître sous la pression. Ne laisse pas nos promesses naître seulement quand la plaie est là. Que notre oui ne soit pas un cri de panique, mais une réponse vraie à ta voix. Ne laisse pas nos promesses naître seulement quand la douleur nous touche. Car un cœur sincère te cherche, même quand le ciel semble encore louche. Tu fais une distinction claire entre ton peuple et l'Égypte. Même au milieu des fléaux, tu poses ta main. Quand la plaie est là, que notre oui ne soit pas un cri de panique, mais une réponse vraie à ta voix. Ne laisse pas nos promesses naître seulement quand la douleur nous touche. Car un cœur sincère te cherche, même quand le ciel semble encore lourd. Plus ta voix que la peur.